qui veut remonter. Alors ça va, la fête des garçons bouchés. On l'aura, je connais c'est la finale. On se concentre sur ce matin. Et quand on vient, pas le petit arrière, je viens voir le bazar. Le symphoniste qui arrive, pas le petit arrière, je viens voir le bazar. Le symphoniste qui arrive, le serpent était déjà débordé. Le bar était ravagé et la dessert finie. On l'a appelé en catastrophe, c'est nu. Et c'est resté cul, car ils ont été tout nus. Dès quand enfin on a maîtrisé l'incendie, je suis sur le on a fait des merguez et du riz. Car la musique, tu dois s'y passer. C'est nul à la soupe. Yeah.